Un putain de son bien sombre, tu l'air écale, pas de faux. Montez la basse, toi, cabosser les paves, boy. Get mon ghetto plat, Dutch bonhomme, nique les devs et les yens. On vient faire capituler le boss. 4 bastos pour les putains de blocs, no. Vie sur des putains de blocs, no. Peace, no. Love, rien à foutre ton love, j'suis de la génération hardcore et rorty, hey. Cause, des taudis, blocs maudits, ambiance, m'en force et embrouille, moi et les yens, hey. Pour ma ville, mon style apocalypse, hostilité au Schmitt depuis nos disques à nos discours. Pas le temps de fumer la douce pour m'adoucir, la haine dans la bouche, pas de ces raps adociles, non. 9K, 500 ma ville, ma force, ma vie, ma raison d'être vive. You ain't ready for murder, don't play with these kids, yo. You ain't ready for murder, put your ass in the mug. You ain't ready for murder, don't play with these kids, yo. You ain't ready for murder. Comptez le style, jusqu'à l'effervescence du fric. Leur patate cadre dans leur bouche, la traîtrise laisse. Un calibre, une bitch, bien caline blesse. Tout si pâle, faut pas qu'on rate les calibres, frère. Planifie la réussite à coup de fusil dans la effigie. Torpille, regarde les M6 tortillent tous. Regarde, pas peur à la Mister T. Ils sont trop nazes. Notre peur à inarrêtable se propage depuis la rue jusqu'en cas. C'est la même, y'aura pas de temps calme. L'esprit en otage. Dans une période d'attentat, inévitable, le diable nous tend. Rôle d'héritage, fusil à pompe sur la tente. On attend l'impact, la bastos. Casa Renoir pour nous c'était. C'est la merde. L'amitié ou la haine, on fraternise de nos plaies. Et les douleurs s'éternisent, le sang coule dans la street. C'est nos vies. You ain't ready for murder. Don't play with these kids, yo. You ain't ready for murder. Put your ass in the mug. You ain't ready for murder. Don't play with these kids, yo. You ain't ready for murder. Put your ass in the mug. C'est l'instant de survie. Des attaques du bring. Fuck la bac ou pas la B94 fluide. Dans la pénombre, cherche lueur d'espoir. Ici c'est Bagdad, mets ton pare-balles, bad boys. Va écouter ma déprime à la Fnac pour pas que je braque. Écoute mon chant de guerrier, frère. J'ai enterré les MC au cimetière. Sa mère, c'est l'époque du crime. Violent pour des thunes. Cherche pas susceptible comme dans Halloween. Mon gang fait des victimes comme les Bloods, Renoir. Pour les gangsters, mon rap c'est tout du ROR jusqu'au 36 quai des orfèvres. Ça sent la poudre, ça sent les pastos chez nous. Les bandits ont l'apparence louche, négro. Joue pas les hoches, délinquants, juvéniles. On a les guns, les bifetons, le manche comme Tony. You ain't ready for murder. Don't play with these kids, yo. You ain't ready for murder. Put your ass in the mug. You ain't ready for murder. Don't play with these kids, yo. You ain't ready for murder. Put your ass in the mug.